tu à présent? Les livres ne répondent pas, ou ils mentent tout bas, ils te protègent. Où es-tu maintenant? Dans l'orage qui gronde, au crépuscule d'un monde, sous le pas d'un cheval. Quel maladroit t'as vu au pas d'un escalier? Tu lui étais familier, mais il ne t'a pas reconnu. Il y a des rivières si sages, des soleils qui ne m'éclairent pas. Mais je ne cherche pas ça, je rêve de ton hasard de rivage. Alors je ne bouge plus. Tu peux venir à moi, je suis un mortel de joie. Tu pourras grandir, rétrécir en moi, avoir vécu. Les livres ne répondent pas, ou ils mentent tout bas, ils te protègent. Où es-tu maintenant? Je voyage dans un contenu, dévore le contenant où le vide du néant remplirait ton absolu. L'état est un commencement, l'alphabet rétroversé, le reflet de Narcisse était moins envoûtant. Le cristal s'envole, c'est le présent qui crée les points. Tu es fou si tu n'as pas eu peur d'être d'une épingle à cheveux. Aucune main ne te prend, aucune volonté te rendra la puissance d'un dieu. Où es-tu à présent? Cherchera sans craindre que tu n'existes pas, et mon esprit